et ouvrez grand vos oreilles. Vous allez être conquis. La première. Il est 11h. Et on fait un point sur l'information. Et c'est Maxime Binet avec vous. Bonjour à tous. Ce 1er août, c'est une date importante pour les indépendants. Depuis ce matin, ceci touche la même pension minimale que les salariés, c'est-à-dire 1 668 € par mois. Alors qu'il y a plus de 10 ans, un salarié percevait 200 € de plus qu'un indépendant. Depuis ce matin, c'est donc fini. Les indépendants attendaient ça depuis une quinzaine d'années. L'inflation augmente en Belgique légèrement. Ce n'est pas neuf au deuxième trimestre de cette année. L'augmentation s'explique essentiellement par une forte accélération de l'inflation de l'électricité. Constate l'Observatoire des prix. Le prix à la consommation de l'électricité a augmenté de 40,6%, une forte augmentation qui résulte principalement de la TVA à 21% et l'augmentation des tarifs de réseau. Dans l'actualité internationale, première rencontre de haut niveau entre hauts responsables de la Turquie et des États-Unis. Le Premier ministre turc et plusieurs hauts responsables de l'armée doivent rencontrer en principe le chef d'état-major interarmé américain Joseph Dunford. Il s'agit du premier contact de haut niveau entre Ankara et Washington, depuis le putsch manqué qui a visé l'État turc. Les esprits s'échauffent encore entre la Corée du Nord et du Sud. Et Séoul accuse Pyongyang d'avoir piraté des dizaines de mails de responsables sud-coréens. Des révélations qui interviennent quelques jours après les soupçons de la police sud-coréenne portant sur une cyberattaque massive. Et selon la police de Séoul, la Corée du Nord aurait dérobé les données personnelles de plus de 10 millions de clients d'un site de vente en ligne sud-coréen. Enfin, en sport, en cyclisme, un transfert qui fera certainement du bruit. Le champion du monde Peter Sagan quintuple maillot vert au Tour de France, change d'équipe. Le sprinter slovaque ne roulera plus sous la bannière Tinkoff l'année prochaine, mais bien pour l'équipe continentale Pro Borargon. Il s'agit d'un contrat de 3 ans. Merci de nous écouter. Très belle journée à toutes et à tous. Toute l'info est sur rtbf.be. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Allez, sur la première, on s'en va dans Globe Crocker avec Benjamin Lepart. La première, Globe Crocker, avec Benjamin Lepart. Horizon pas net, reste à la buvette. Proverbe congolais, belle matinée sur la première. Globe Crocker attaque la face haoussienne de son périple estival à travers le monde et c'est un plaisir. Globe Crocker, c'est l'émission des voyageurs qui changent de vie en voyage et cela pour notre plus grand bonheur puisqu'ils ont la bonne idée de venir nous raconter leur histoire. Libre à eux de venir déposer des objets souvenirs de leur bouleversante aventure sur la table d'orientation de Globe Crocker. On se fait fort de les faire parler, ces objets. Des musiques aussi et puis des lectures de voyage. Notre croqueur du globe a une belle histoire à nous raconter. Elle commence alors qu'il est étudiant en médecine, amoureux de la nature et des personnages altruistes comme le docteur Schweitzer. Il veut quitter son Uccle Neuilly-sur-Seine et aller servir à quelque chose au Congo. Globe Crocker. Sur la première avec Benjamin Leupart. Cap sur la République démocratique du Congo. L'endroit a toujours fasciné et nourri de nombreux rêves d'exploration depuis le continent européen. Ptolémée, Pline l'Ancien ou Aristote parlaient déjà dans leur récit de ces territoires si différents. On ne peut parler du Congo sans lier son histoire à la Belgique et en particulier au roi Léopold II. Le Congo belge était le nom porté par le territoire de l'actuelle République démocratique du Congo entre le 15 novembre 1908 et le 30 juin 1960. La République démocratique du Congo collectionne les superlatifs. Tout d'abord par l'immensité de son territoire, qui la place au 11e rang mondial. Avec ses 2 345 409 km², soit 4 fois la France, elle est le deuxième pays plus vaste d'Afrique après l'Algérie. Mais la République démocratique du Congo possède aussi un atout important, une diversité floristique et faunique. On y trouve de nombreuses espèces de mammifères, dont le gorille de montagne, le gorille de plaine, le bonobo ou le chimpanzé nain. Parlons aussi de sa cuisine. Longtemps ignorée ou négligée malgré sa richesse et sa variété, la cuisine congolaise commence à conquérir ses lettres de noblesse. Le plat le plus courant ? Le poulet à la mohambe. Un poulet aux feuilles de manioc pilées et à l'huile de palme accompagnée de riz ou de banane plantain. Ça vous met en appétit ? C'est tout bon, Suivez notre guide. Alors, si on parle carte de visite, notre invité du jour est professeur à l'école de santé publique de l'hôpital Erasme, volontaire de la coopération pour une ONG au nom invraisemblable, le Centre scientifique et médical de l'ULB pour ses activités de coopération active dans le sud de la région du Nord Kivu. Plus simple, vous êtes monsieur coopération, Philippe Donen. Bah, c'est-à-dire que effectivement, donc depuis mon retour du Congo, quand j'ai rejoint l'université, en fait moi mon désir c'était uniquement de me consacrer à la coopération le maximum du temps possible. Et comme heureusement à l'université on a quand même une grande liberté de faire ce qu'on veut, on m'a autorisé à le faire et depuis lors en fait je ne travaille quasi que pour la coopération, donc je connais très peu en fait la médecine en Belgique. Et vous dites ça avec un grand sourire évidemment, puisque vous vous plongez depuis quelques jours maintenant dans les souvenirs de votre premier voyage en Afrique et au Congo en particulier pour préparer cette émission. On va être dans vos chaussures quelque part, on est à la fin de vos études, on est quelque part en 1988, ça remonte un peu quand même. Et oui. Et vous partez faire un stage au Congo. Oui, c'est ça. Donc, je venais déjà en fait d'avoir fait deux missions avec Médecins Sans Frontières au Soudan, au Mozambique. Et puis alors, j'étais rentré en Belgique pour des raisons privées. Et en fait, alors, je me suis dit, tiens, je vais recommencer une maîtrise en santé publique pour quand même encore augmenter un petit peu mes connaissances. Et alors, c'est au cours de cette maîtrise qu'en fait, un de mes professeurs m'a dit qu'il cherchait éventuellement des médecins pour le Congo. Et donc, il me proposait de faire un stage d'un mois en mars 88 pour un petit peu voir si ça me plaisait. Alors ça, c'est votre parcours à vous. Mais votre parcours là-bas, lorsque vous arrivez en mars 88, vous arrivez où, quand, à quelle heure, ça sent quoi, il fait quelle température, comment ça se passe ? Donc, c'est le mois de mars. Alors là, vraiment, ça a été un choc total, quoi. C'est-à-dire vraiment un choc... un choc, je dirais, de tous les sens. j'ai vraiment tous mes sens en fait ont été choqués tellement. Alors il y a d'abord la beauté du paysage, hein, puisque je sais pas si on y reviendra, mais c'est un centre de recherche donc à Louirou qui se trouve à peu près à 40 km de Bukavu, mais en plein milieu rural, donc tout à fait au bord de la forêt, notamment du parc des gorilles et tout ça. Donc au niveau On est dans l'est du Congo. On est dans l'est du Congo, pas loin de la frontière rwandaise. En fait. Une région très luxuriante, très vallonnée, voilà. Et où la nature s'exprime de toutes les façons possibles et imaginables. On reviendra dans la description de cette jungle, mais aussi des volcans et des choses comme ça. Vous arrivez là pour un stage. Vous êtes jeune à ce moment-là, vous terminez vos études de médecine, vous avez 24 ans. Non, un peu plus, parce que j'ai déjà fini ma médecine, j'ai fait la médecine tropicale à Anvers, j'ai fait déjà deux missions d'MSF, donc j'ai quand même déjà, disons, 27-28. D'accord. Alors j'ai repris ces études en maîtrise en santé publique un an, et donc c'est à ce moment-là que je fais ce stage, alors, puisqu'en fait on avait un stage obligatoire, et évidemment j'ai demandé d'aller là-bas, ce qui me permettait aussi de voir si je pouvais y vivre plus longtemps après, puisque... Alors vous y arrivez comment dans ce petit village ? Alors là aussi, c'est assez une aventure, puisqu'en fait, à l'époque, on n'arrive pas du tout par Kinshasa, en fait, que c'est l'est beaucoup du Congo. Loin, oui. En fait, moi, Kinshasa, je ne l'ai connu que beaucoup plus tard. Donc, on arrive en fait par le Rwanda. Donc, à ce moment-là, on atterrissait à Kigali, soit à Bujumbura. Et puis alors, en fait, il y avait tout un voyage encore. Si c'était Kigali, on prenait un autre avion jusqu'à Changugu, qui est vraiment la ville à la frontière en face de Bukavu. Et puis là, après, il y avait un véhicule qui venait me chercher. Et là, on était parti pour à peu près 2 heures de jeep pour arriver à Louirou. Alors on va revenir sur la nature un peu spéciale de ce stage de mars 1988 avec vous, mais on voudrait se glisser un petit peu dans vos oreilles et se glisser dans vos préparatifs de cette expédition au Congo en 1988. Quand on prépare ses bagages, on est bien placé pour le savoir dans Globe Crocker, on a toujours un peu l'envie de se plonger dans l'ambiance espérée de la destination. Et pour vous, c'était ça. Indépendance. Indépendance, tcha-tcha, et vous dites vous-même, ouais, c'est un peu tarte à la crème. Oui, c'est ça. Bon, je comprends que ce soit un peu tarte à la crème, parce qu'en fait, quand je suis arrivé au Congo, moi, mon désir au départ, c'est d'aller en Amérique latine. Et puis alors, MSF m'a recruté pour le Soudan, donc finalement, ça a décidé du continent dans lequel j'allais continuer, c'est-à-dire l'Afrique. Et donc, je ne connaissais pas encore, notamment, pas beaucoup en musique. Par contre, évidemment, au niveau politique, j'avais été impressionné par cette fameuse conférence qui précédait l'indépendance, où en fait non seulement il y a des politiciens qui étaient là, mais ils avaient amené des chanteurs congolais pour animer un peu l'événement. Et ça, c'est absolument inouï. Et donc, cette chanson m'avait vraiment beaucoup impressionné. En plus, elle est très jolie. Bon, alors ça, c'est évidemment la chanson que vous aviez en tête avant de partir. Mais quand vous arrivez dans la moiteur du Sud Kivu, par là, vous entendez la vraie musique de là. Et ça, ça sonne comme ça. Ah, vous dansez, c'est bien ça, c'est Papa Bonheur. C'est qui ? Oui, donc ça, c'est évidemment un des fameux musiciens Koffi Olomide. Il y en avait beaucoup d'autres, il y avait Wenge Musica et les Aiko Langa Langa. Et donc, on faisait des soirées à n'en plus finir pendant les deux premières années où j'étais là, à l'époque où il n'y avait pas encore eu la rupture de la coopération. Et donc, on a beaucoup dansé, beaucoup dansé. La musique est super importante hein, dans cette région et dans le Congo en général, l'Afrique en général également, mais vous dites la musique elle est partout, elle est tout le temps, les gens se lèvent et dansent, se lèvent et chantent, tout le temps. Oui, là de nouveau ça peut paraître un peu cliché, mais voilà c'est vraiment la réalité, en tout cas moi dans ma culture c'était tout à fait l'inverse, hein. Moi danser, la musique et tout ça on n'écoutait pas, et du coup quand j'ai vu comme ça l'expression des gens, l'amour qu'ils avaient pour la musique, j'avais une anecdote là où finalement pendant les petits soupers parfois qu'on faisait, tout d'un coup il y avait un convive, pas seulement femmes d'ailleurs, souvent hommes qui partaient simplement danser devant l'appareil de musique, tout seul comme ça, ça lui faisait du bien, et ça m'a vraiment fasciné quoi. Et c'était vraiment beau à voir et... Philippe Donnen, vous êtes en train de nous emmener vers le Congo et ce petit village de Luiko à 40 km au nord de Bukavu. On va suivre ce parcours incroyable parce que ce petit voyage, l'air de rien, ce petit stage de mars 1988 va vous inspirer une grande idée, celle de remplacer votre service militaire éventuellement par un service de coopération volontaire. Et c'est là que vous allez mettre le doigt dans l'engrenage. Ce sera pour dans la suite de Globe Crocker. À l'instant, je vous propose de se mettre encore un peu de musique dans les oreilles. Tiens, c'est Too Much of Everything, Admiral Freebury. C'est sur l'album Wake Up and Dream. Too Much of... Cappuccino, soy milk, it's embarrassing. I just wanna drink something. There's too much of everything. Too much of everything. Too much of everything in this world. It's an ankle deep river you can drown in. Cause there's too much of everything. Mademoiselle, cause I wanted something to feel. I was feeling bad, feeling good, feeling sad, feeling something, you know. It's embarrassing. Feelings are not that convincing. There's too much of everything. Too much of everything. Too much of everything in this world. Cause there's too much of everything. Too much of everything. Too much of everything in this world. It's an angry deep river you can drown in. Too much of everything, Admiral Freebury, Wake Up and Dream, c'est l'album qu'il signait en 2016. Globe Crocker sur la première. Proximus présente... Tiens, t'as vu ? Toutes les balles sont sur Proximus TV. Attention, t'es prêt ? Alors écoute bien, ça c'est quoi ? Oh, bah, facile, basket. Ouais, et ça ? Le tennis. Ouais, absolument. Attention maintenant, plus dur, ça ? Football. Balle de foot dans les boules. Classique. Oh, t'es fort, hein. Toutes les balles sont sur Proximus TV avec All Sport. Football, NBA, NFL, tennis, le tout pour seulement 14,95€ par mois. Et le premier mois est gratuit. Plus d'infos sur proximus.be/sport. Proximus, infiniment proche. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. La Chimée dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimay, les accords bières et fromages depuis 1876. Chez Deutsche Bank, nous pensons que derrière les chiffres se cache la vie. Prenons le chiffre 3. 3, c'est par exemple le nombre de nos offres pour faire décoller votre argent cet été. Mais 3, c'est aussi le nombre de cocktails que vous allez boire à votre arrivée en vacances parce que c'est les vacances. Vacances où vous pourrez enfin lire ce livre que vous avez acheté il y a 3 ans déjà et que vous recommencerez d'ailleurs pour la 3e fois. Là où d'autres voient des chiffres, nous voyons la vie. Deutsche Bank, investissez dans votre vie. Commencez dès cet été avec nos 3 offres exclusives sur deutschebank.be. Les musicales de Belœil 2016, place à la danse. 8 heures de programmation, des centaines d'artistes et des projets chorégraphiques pour petits et grands. Venez profiter de découvertes musicales dans une ambiance festive et familiale, sans oublier le feu d'artifice. Les musicales de Belœil, le 6 août dès midi. Infos et réservations, lesmusicalesdebelœil.be ou Ticketmaster, avec la première, la une et la Libre Belgique. La première présente, les Midi Minimes. Pour son 30e anniversaire, le festival met les petits plats dans les grands, avec une programmation musicale variée et 6 semaines thématiques, dédiées notamment au piano, au quatuor à cordes ou à la musique sacrée. Du 4 juillet au 31 août, au Conservatoire de Bruxelles. Info, midi-minimes-au-pluriel.be, avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Loterie Nationale. La première, avec Benjamin Leupart. Globe Crocker. Et nous sommes avec Philippe Donen qui ouvre le pas ce matin dans Globe Crocker sur la première parce que nous partons du côté du Congo et on l'accompagne dans un voyage incroyable qu'il a effectué tout d'abord en mars 1988 et ensuite en août 1988 parce que Philippe Donen, vous vous disiez tiens, je n'ai pas envie de faire mon service militaire, j'ai envie de faire un peu œuvre utile et donc je partirais bien faire de la médecine au Congo. C'est un peu ça? Tout à fait, c'est ça. Donc à l'époque, le service militaire était encore obligatoire. Mais alors, pour certaines professions, dont les médecins, on avait la possibilité de faire un service civil, mais on était quand même un peu puni, puisqu'au lieu d'un an, c'était 2 ans. Et donc, j'avais déjà fait une partie avec MSF, mais il me manquait encore 10 mois. Et donc, après ce séjour en mars qui m'avait enchanté, j'ai tout de suite accepté l'offre de mon professeur là, d'aller pour 2 ans à Luero. Alors, c'est vrai que vous connaissiez déjà un tout petit peu l'Afrique, hein, le Soudan et le Mozambique pour MSF, certes. Mais quand vous arrivez au Congo, vous arrivez dans un endroit complètement dingue, dans ce petit village de Luero à 40 km au nord de Bukavu. Ça ressemble à des chalets suisses. Oui, c'était vraiment un endroit incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un centre de recherche qui se situe donc à une 40aine de kilomètres de Bukavu, mais complètement en milieu rural, vraiment aux abords de la forêt tropicale. Et alors donc, on arrive là, dans la brousse complète, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement une entrée un peu comme un club de vacances, avec des magnifiques chalets suisses, effectivement, mais vraiment tout près des cases, des villages environnants. Et en fait, c'était là le centre de recherche, donc, qui s'appelait IRSAC avant, et qui était assez célèbre. En fait, il a été fondé en 1947 et il y a eu à l'époque... Alors, il faut revenir un peu sur l'histoire de cet endroit incroyable qui ressemble donc à un village de vacances suisse aux portes de la jungle, le tout au Congo. C'est une histoire incroyable que cette histoire-là. Oui, tout à fait. Donc, alors, ce qu'on m'a dit à vérifier, c'est qu'en fait, ce centre de recherche a été construit, en fait, grâce à l'argent que les Américains ont versé aux Belges en remerciement de la fourniture de l'uranium pour la bombe atomique qui venait en fait du Congo. Du Congo, exactement. Et donc, ça a été construit donc, tout au début des années 50. Et donc, c'était des énormes bâtiments de recherche avec des laboratoires. Et puis, un endroit qui a reçu des scientifiques prestigieux. Oui, tout à fait. Oui. Si on regarde, il y a eu des Prigogine qui sont allés là, etc. Donc, jusqu'en 60, en tout cas, c'était vraiment un centre de recherche prestigieux. Donc, vous vous retrouvez dans votre chalet suisse au Congo. Ça ressemble à quoi? C'est grand? Alors, c'est vraiment des grands chalets en bois, donc très jolis. Alors, très étonnant aussi, ce qui m'a étonné, c'est que plein de cheminées partout pour faire des feux ouverts. Au Congo. Oui, mais en fait, on est à 1600 mètres d'altitude. C'est vrai. Et donc, finalement, j'ai bien compris l'utilité éventuelle des cheminées. Il peut faire très, très frais le soir. Bon, rassurez-vous, on ne faisait pas beaucoup de feux parce que, bon, je ne voulais pas participer au déboisement en plus. Mais quoi, chaque scientifique avec son propre chalet? C'est ça qui était un petit peu presque gênant, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le choix, nous était attribué un chalet, et alors comme à l'époque moi j'étais célibataire, ben j'avais un chalet pour moi tout seul, ce qui était absolument délirant, mais on ne pouvait pas discuter, c'était comme ça. D'autant plus que pas loin de là, vraiment pas loin de là, il y avait les premières huttes. Tout à fait. Oui, moi je faisais 20 mètres et j'étais dans les huttes. Donc ça c'était pas facile à vivre aussi. C'est-à-dire qu'on était quand même dans un environnement privilégié, juste à côté des villageois. Voilà, il fallait faire avec. En plus, avec le chalet, on avait aussi une sentinelle, un cuisinier. Et alors, si vous disiez non, je fais tout seul, c'était impossible, parce que je vois pas comment j'allais faire la nourriture, en plus de travailler. Il n'y avait pas de marché, il n'y avait rien dans les environs. Et en plus, on nous disait, mais alors les gens n'auront plus de boulot. Donc, finalement, la personne qui était là... Il faut comparer ça à la vie de Bidas aussi, hein, la vie des gens qui font leur service militaire. C'est quand même très drôle de se retrouver dans son chalet au bord de la jungle avec un garde, hein, pour vous garder la porte. Alors, c'était parti pour 2 ans. Mais on verra que ce voyage a bouleversé votre vie profondément et qu'en fait, vous allez rester bien plus longtemps au Congo. Qu'est-ce que vous y faisiez? Vous êtes médecin à ce moment-là, hein? Oui, c'est ça. Donc, mon rôle, là, en fait, comme j'étais là avec donc, le CEMEBAC, qui est une ONG universitaire. Donc les ONG universitaires ont en général un double rôle. On faisait de la médecine, c'est-à-dire que je travaillais dans un hôpital pédiatrique spécialisé dans la prise en charge de la malnutrition. C'est une région où il y a beaucoup d'enfants mal nourris, et donc on était spécialisé pour les traiter. Donc c'est un hôpital de 60 lits à peu près. Et alors je faisais aussi de la recherche, bon, pas du tout de la recherche fondamentale, hein, je vais rassurer tout le monde, vraiment de la recherche pour améliorer les traitements, etc. Qui avait un lien avec la jungle, par exemple? Pour moi, qu'il y avait un lien avec la malnutrition. Donc, j'essayais de trouver des meilleurs traitements. Et c'est ça, notamment, ces recherches ont abouti, finalement, à une thèse de doctorat, alors que j'ai fait après, quoi. Et donc, on avait ces deux rôles, médecin et chercheur. Comme tout bon voyageur qui vient nous rendre visite dans Globecrocker, vous avez déployé sur la table de Globecrocker une rafale, une ribambelle d'objets souvenirs de votre voyage, parmi lesquels, et il faut quand même parler de votre premier amour, qui est la médecine, et le second juste après, la nature. C'est un ouvrage, c'est un bouquin qui parle d'un des parcs nationaux de la zone, c'est le parc de Virunga. Alors décrivez-nous à quoi ressemble le parc de Virunga. Alors bon, il n'y a pas assez de mots, je crois, pour le décrire, bah non, tellement c'est magnifique. C'est pour ça qu'on fait des photos dans ce genre de livre. Oui, donc c'est vraiment... D'abord, c'est un parc très très étendu, très varié aussi, puisqu'il y a aussi bien des plaines que des volcans. Alors il y a une faune d'une richesse à l'époque, évidemment je parle à l'époque, parce que malheureusement, avec tout ce qui se passe dans la région, pour le moment, il y a beaucoup d'animaux qui ont été décimés. Donc il y avait tous les grands animaux qui étaient là, lions, une myriade d'hippopotames. Ça, j'ai jamais vu autant d'hippopotames qu'on pouvait approcher de très très près avec les gardes. Et c'est là que j'ai enfin vu aussi comment les hippopotames faisaient pour avoir leur territoire. En fait, ils battent la queue quand ils font leur crotte, et alors ça envoie les crottes partout à la ronde, donc c'était assez impressionnant. Ça ressemble un peu à nos tracteurs du côté de la Flandre, non? No comment. donc voilà, cette richesse incroyable de la flore. Et en plus, à l'époque, il y avait très peu de monde. Très peu de monde, donc quand on allait là, on était quasi seul. Donc quasi le parc à notre disposition, puisqu'il y avait très peu de tourisme quand même déjà à l'époque. Donc voilà, absolument magnifique. Alors j'ai eu l'occasion aussi de monter sur les volcans en éruption, donc c'était vraiment magnifique. Lesquels? Parce qu'il y en a une rafale. Hein, j'étais au Nyamulagira. Ah oui, l'explosif. Avec une équipe de recherche de l'Institut d'air. Le Nyamulagira, c'est un volcan actif explosif. Il faut dire qu'il y en a plusieurs dans la zone. Il y en a qui sont éteints, il y en a d'autres qui sont actifs. Et juste à côté, il y en a un qui est actif, mais qui est plutôt à débordement. C'est le Nyiragongo. Voilà. Effectivement, ça donne un peu une idée incroyable de l'activité de la nature. On va revenir sur cette nature incroyable et sur certaines de vos recherches qui étaient un peu proches de la nature dans cette jungle avec les gorilles, juste après Home Again, Michael Kiwanuka. Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know I feel strong again. Lift my head. Many times I've been told all this talk will make you old. So I'll close my eyes, look behind, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know I'll pass through course again. Smile again, smile again. smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I'll close my eyes, won't look behind, moving on. So I close my eyes and the tears will clear. Michael Kiwanuka qui sera en concert en Belgique à Anvers le 3 novembre. On a le temps. Pour l'instant, on retourne au Congo en compagnie de Philippe Donen. Nous allons nous enfoncer avec lui dans la jungle. 11h midi. Benjamin Leupart. Globe Crocker. Sur la première. On se balade hein, avec vous, Philippe Donen, dans la jungle congolaise du côté du Sud Kivu. Et vous étiez en train de nous expliquer ces magnifiques et gigantesques chalets type suisse de ce centre de recherche scientifique, puisque vous êtes médecin et chercheur à l'époque. On est en 1988, en août. Mais à un moment donné, ou un peu plus tôt dans l'année, on vous avait demandé d'accompagner un scientifique qui est pour faire des recherches dans cette jungle. Et pour ça, il fallait rien de moins que avoir des rendez-vous réguliers et absolument certain, avec des gorilles. Exactement. Donc ça, justement, quand j'ai fait mon stage en mars, alors j'ai pour la première fois été visiter le fameux parc du Kahuzi Biega, donc qui est une des dernières réserves des gorilles de montagne. Et en fait, là, j'ai accompagné un chercheur qui avait pour mission de capturer des échantillons frais de crottes de gorilles pour en fait mesurer les parasites, les virus, puisque l'idée était de voir si les touristes en fait ne transmettaient pas des maladies aux gorilles. Et alors ça, c'était vraiment très impressionnant, puisque évidemment les crottes devaient être fraîches, donc ça veut dire qu'on devait être très près des gorilles, et donc vraiment on les pistait à quelques mètres finalement. Et donc ça, ça a été très impressionnant. Et alors, petit brief, tout va bien se passer. La montagne de muscles que vous voyez devant vous, qu'on appelle un dos argenté généralement quand on parle des mâles, peut faire preuve un peu d'agressivité avec plus que 100 kilos, 200 kilos de muscles, hein, certainement. Et alors, on vous brief comment, à ce moment-là? Oui, donc là, je voudrais vraiment insister sur la parfaite formation des gardes qui était vraiment impressionnante. Donc, ils nous briefaient bien, donc interdit de regarder le gorille dans les yeux. Oui, ça on avait déjà entendu. Mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment envie de regarder dans les yeux? Pas trop, quoi. Apparemment, ça les vexe, donc voilà. On ne le fait pas. Donc, position accroupie, vraiment avoir une position de soumission, finalement. Et alors, surtout, ne jamais se mettre entre un petit et le reste du groupe. Donc ça, c'était vraiment les consignes qu'ils nous donnaient. Et en faisant ça, finalement, on arrivait à ce que le gorille vienne très, très près. Alors, j'ai été énormément de fois après. Il y a quand même eu quelques charges. Et ça, c'est vraiment impressionnant, parce qu'ils nous disent bien, surtout, ne bougez pas, le gorille va s'arrêter. Mais bon, on a beau nous dire ça, on a quand même envie de prendre ses jambes à son cou, mais là ce serait dangereux, parce qu'alors il peut commencer à nous poursuivre. Donc voilà, on ne bougeait pas. Vous êtes fait charger par des gorilles? Oui, plusieurs fois, j'ai des films de ça, c'est vraiment impressionnant. Donc il charge vraiment, comme on dit, en se tapant la poitrine avec ses poings, en criant. Et à ce moment-là, nous on a juste les yeux baissés et on essaye de filmer quelque chose, mais parfois j'ai filmé mes pieds plutôt que le gorille. Alors vous avez suivi les consignes, vous n'avez pas exagéré, mais il y a eu quand même l'un ou l'autre incident. Hein. Oui, c'est ça, on leur a quand même demandé s'il y avait souvent des accidents. En fait, pas souvent, ils ont dit heureusement les gens respectent les consignes, mais alors à un moment il y avait eu un journaliste américain qui apparemment voulait un peu... Journalistes américains. Voilà, il voulait un on peu... On ne peut pas dire du mal, mais quand même. Un peu de sensation, et donc oui. Finalement il avait tellement embêté les gorilles, il les avait tellement approchés que finalement il s'est fait mordre à la cuisse par un mâle. Bon, il n'est pas mort, mais il a quand même été bien abîmé, quoi. Mais c'est rare, quoi, finalement. Ouais, on a envie de suivre quand même les consignes hein, des guides. Alors, vous étiez accompagné de rangers du parc et de guides pisteurs pour retrouver les gorilles. Comment ils faisaient pour les retrouver? Oui, c'est ça, parce qu'en fait... Ça reste une jungle. Tout à fait, oui, c'est vraiment la jungle quasi impénétrable. Et alors, en fait, chaque jour, eux, ils rencontrent les gorilles pour savoir où ils ont été, où ils ont dormi la dernière nuit. Et en fait, on repart de ce point-là pour aller les retrouver. Mais bon, ils peuvent quand même faire plusieurs kilomètres, et donc c'est à la machette, à travers tout, avec des pisteurs pygmées, puisque eux connaissent vraiment bien la forêt. Et donc les visites peuvent durer entre une demi-heure, si on les trouve tout de suite, jusqu'à parfois 5-6 heures, épuisantes à travers tout. Et, sympa le stage. Oui. Et là, j'ai peut-être une anecdote aussi, je viens de m'en souvenir, mais qui m'a fait rire. Donc, souvent, en fait, on allait aussi avec nos collègues congolais voir les gorilles, parce que finalement, eux aussi, qui venaient parfois de Kinshasa, ça les intéressait. Et alors, j'avais pris rendez-vous avec la femme d'un médecin pour aller voir les gorilles. On partait en général vers 5h, 6h du matin. Puis alors, je vais chez elle, je lui dis « Alors, tu es prête ?»« Oui, je suis prête. » Et puis, je la regarde. je vous jure, elle était habillée comme si elle allait à un mariage. Donc avec des talons hauts, des talons aiguilles pour aller dans cette brousse. Donc je crois qu'heureusement, je lui ai quand même fait prendre une paire de baskets, sinon... Elle allait faire des photos, peut-être. Vous avez déposé pas mal d'objets sur notre table et je vous en remercie. Il y avait le bouquin sur les Virungas, certainement, mais vous êtes, il faut bien le signaler, un des voyageurs qui emmenait le plus de kilos de livres en voyage. Vous partez avec des malles complètes de voyage. Et oui, ça tombe bien, puisqu'on a une habitude dans Globecrocker, c'est de se mettre dans les oreilles les écritures ou les lectures de voyage afin de se plonger dans l'ambiance. On va essayer de se remettre justement dans cette ambiance. On est chez vous, dans votre chalet suisse congolais. La nuit est tombée, la jungle est à 5 ou 10 mètres, et vous lisez ceci. Le colonel Aureliano Buendía fut à l'origine de 32 soulèvements armés et autant de fois vaincu. De 17 femmes différentes, il eut 17 enfants mâles qui furent exterminés l'un après l'autre dans la même nuit, alors que l'aîné n'avait pas 35 ans. Il échappa à 14 attentats, à 63 embuscades et à un peloton d'exécution. Il survécut à une dose massive de strychnine versée dans son café et qui eut suffi à tuer un cheval. Il refusa l'ordre du mérite que lui décernait le président de la République. Il fut promu au commandement général des forces révolutionnaires, son autorité s'étendant sur tout le pays, d'une frontière à l'autre, et devint l'homme le plus craint des gens et du pouvoir. Mais jamais il ne permit qu'on le prît en photo. Philippe Denon, qu'est-ce que ça vous fait de réentendre Gabriel Garcia Marquez dans ces conditions sonores-là qu'on a essayé de reproduire? Oui, d'accord. Mais donc, tout d'abord, pourquoi le choix de ce livre-là aussi? Ça peut paraître un peu bizarre de lire un écrivain colombien en plein Congo. Bah oui, mais effectivement, vous vouliez partir voilà, je voulais partir en Amérique du Sud, donc c'était encore les restes de cette envie-là. C'était la malle de livres prévue pour l'Amérique du Sud. Oui, voilà, j'avais oublié de changer. Mais en fait, c'est un livre qui m'a vraiment fasciné, bon, comme beaucoup d'autres gens là aussi, hein, je ne suis pas très original, mais c'est une espèce de truculence sud-américaine absolument magnifique. Et alors, c'est vrai que bon, je lisais ça souvent le soir là dans mon grand chalet, un petit peu tout seul, mais toutes les fenêtres ouvertes, et donc il y avait cette ambiance. Qu'est-ce qu'on entend ? Parce que ici on a une espèce de son de nuit, un peu de grillon et des choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'on entend quand on est seul et qu'on lit énormément comme vous ? On doit être interpellé par plein de choses qui se passent la nuit, parce qu'il y a une vie incroyable dans la jungle la nuit. Ah oui, tout à fait. Donc le plus impressionnant, c'est tout ce qui est, c'est d'abord l'énormité des insectes, donc des énormes bourdons, des énormes papillons de nuit. Même la nuit, ah oui. Ah oui, qui étaient attirés évidemment par les lampes de l'extérieur. Mm-hmm. Alors des chauves-souris aussi, qui font il y a les très grosses chauves-souris qui font du bruit, quoi. Il n'y a pas que des ultrasons. Bon, les oiseaux, la nuit, un peu moins. Et alors, je ne sais pas si je peux en parler de ce son qui n'est pas un son animalier, mais qui parfois a perturbé bien de mes nuits, c'est justement mon zamou, donc la sentinelle qui gardait la maison, qui alors, pour ne pas s'endormir, jouait un instrument qu'on appelle un likembe. Eh bien, vous allez nous en jouer du likembe dans quelques instants dans la suite de Globecrocker. En attendant, je vous propose de vous poser le long de la rivière en écoutant un extrait de l'album Un torrent, la boue, la rivière. Du haut de la montagne, le cours d'eau est un fil d'arrière. Les arts de les champs et emporte les armes en avant. Quand t'approches les lumières de la ville, il sait se tenir tranquille pour mieux t'emmener. Soucis à l'envie. comme en courant. Quand t'approches les lumières de la ville, je sais me tenir tranquille pour mieux t'envelopper. La rivière de l'artiste O, c'était sur l'album Un torrent, la boue. C'est pas ce qui nous a attendu jusqu'à présent dans le Congo décrit par Philippe Donnen. On y retourne. Proximus présente. Tiens, t'as vu? Toutes les balles sont sur Proximus TV. Attention, t'es prêt? Alors écoute bien, ça c'est quoi? Oh, bah facile, basket. Ouais, et ça? Le tennis. Ouais, ouais, absolument. Attention maintenant, plus dur, ça? Football. Balle de foot dans les boules. Classique. Oh, t'es fort, hein? Toutes les balles sont sur Proximus TV avec All Sport. Football, NBA, NFL, tennis, le tout pour seulement 14,95€ par mois. Et le premier mois est gratuit. Plus d'infos sur proximus.be/sport. Proximus, infiniment proche. Le bois du casier a marqué l'histoire. Reconnu patrimoine mondial de l'UNESCO, le site vous conduit tout en émotion à la rencontre de ceux et de celles qui ont fait la Wallonie. Le bois du casier, le passé présent pour le futur. www.leboisducasier.be. Avec la première et la une. La première avec Benjamin Leupart. Globe Crocker. Nous sommes avec Monsieur Coopération de l'Université Libre de Bruxelles, Philippe Donnen, qui nous raconte son premier voyage en août 1988, son second voyage, mais le premier de longue durée, puisqu'il va durer, en fait au départ vous pensiez 2 ans, mais ça va durer 7 ans cette aventure. On a fait un petit tour dans la jungle, on a rencontré des gorilles grâce à vous, et puis là vous êtes revenu dans votre chalet suisse, hein, de ce centre de recherche construit par avec l'argent des Américains pour les Belges, et vous êtes en train de lire, c'est quand même... On est loin de la Suisse par certains aspects, quand même. Oui, tout à fait. Vous parliez du Likembe, c'est cet instrument incroyable avec lequel on tue le temps. Oui, c'est ça. Donc, c'est un instrument vraiment très populaire et beaucoup de gens en jouent, soit des groupes, soit alors justement des gens comme les gardiens qui s'ennuient. Et alors, je ne sais pas si je peux... Mais bien oui, sûr, bon, je, vous êtes chez tout. Vous. Oui, donc vraiment désolé, mais c'est juste pour entendre. Alors, il faut s'imaginer que vous êtes là en train d'essayer de chercher le sommeil dans votre chalet. Exactement, suisse, oui. Au Congo. Le Zemu, donc la sentinelle qui tue le temps toute la nuit en jouant du Likembe, jouait un tout petit peu mieux que vous ou... Sans doute, oui, mais un peu plus fort aussi. Et alors, en même temps, j'avais pitié de lui parce que c'est un métier, en fait. Vraiment, enfin, je ne sais pas quel métier, quoi. Passer toute la nuit dans une petite cabane à côté d'un chalet suisse... pour garder un coopérant, enfin voilà, mais je ne pouvais pas ne pas l'utiliser, sinon on allait m'en vouloir encore plus, donc rarement quand même je l'interrompais. Quoi. Alors il s'est passé plein de choses dans ce chalet à la lisière de la jungle congolaise, nous sommes dans le sud Kivu, à 40 km au nord de Bukavu, par exemple, vous disiez, la nuit, on entend une foultitude d'insectes gigantesques bourdonner, papillonner autour et alentour du chalet, mais ils attaquent le chalet aussi. Oui, tout à fait, donc ça j'ai mis beaucoup de temps avant de le comprendre, parce que bon, ce chalet avait aussi une terrasse extérieure avec des grosses poutres en bois, donc qui tenait l'espèce de véranda. Et alors j'avais remarqué qu'il y avait des trous mais des trous assez réguliers, donc je n'arrivais pas à voir ce que c'était, donc vraiment de la taille d'une énorme bille, quoi. Et finalement, après, j'ai compris, en voyant un de ces géants bourdons, vraiment forer réellement le bois, donc c'est vraiment des bourdons qui se nourrissent du bois. Vous n'étiez pas seul dans ce chalet, apparemment il y avait plein de choses. Un jour, votre frère vous rend visite et il vous dit, tiens, je vais aller chercher un truc dans la réserve. La réserve, c'est, on imagine, l'espèce de buanderie où on stocke les choses. Et il ne revient pas. Voilà, il ne revient pas, et alors on s'inquiète un peu, et puis alors tout d'un coup il dit, on entend une voix un peu blanche comme ça, en disant, il y a un serpent. Mais il faut savoir que mon frère, c'est un gros blagueur. Donc on était fatigués, on revenait d'un parc, alors on lui dit, bon, arrête, on n'a pas envie de blaguer, mais non, arrête un peu. Et puis il continue à dire, il y a un serpent. Et donc finalement on commence un peu à s'inquiéter, et effectivement il avait ouvert la porte de la réserve et il s'était trouvé face à face avec un cobra. Il y a beaucoup de cobras dans le coin, et en fait ils entrent dans les maisons notamment pour manger les rats, qui eux-mêmes viennent pour ça, manger... Ça c'est plutôt gentil. Oui, mais les rats viennent pour manger mes réserves. Donc en fait, il y a tout un cycle comme ça. Oui. Et alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai vite appelé un collègue congolais qui était vraiment un grand spécialiste des serpents et qui avait tout un espèce de, pas un zoo, mais une réserve de serpents, parce qu'il travaillait sur le venin de ces serpents. Et il est venu alors attraper ce serpent avec une dextérité incroyable, donc un serpent quand même très venimeux, à main nue. Et puis après, il m'a demandé de le conduire jusqu'aux cages des serpents. Donc moi, j'étais assez mal à l'aise là, en train de conduire, lui à côté, en tenant le serpent par la tête. Mais bon, finalement, il nous a vraiment bien débarrassés. Ça, c'est les petites histoires de la vie quand on séjourne longuement. Vous allez séjourner 7 ans au Congo, en fait, au lieu des 2 ans prévus pour remplacer votre service militaire. Et votre mission sur place, c'est être médecin et dans un hôpital pour enfants. Et vous faites aussi de la recherche et de la prévention. Et c'est là que ça devient drôle. Quand on fait de la prévention santé, par exemple prévention sida du côté du Congo à l'époque, ça ne sert à rien de faire des grandes conférences. Il y a d'autres médias plutôt drôle. Tout à fait. Hein. Donc, après s'être bien renseigné avec les collègues, etc., sur comment les messages pouvaient passer, finalement, les deux voies les plus efficaces pour faire passer les messages, c'était un, soit les voies par la chanson ou par le théâtre. Et en fait, il y avait dans ce milieu rural, il y avait plein de troupes de théâtre. Donc, les villageois organisent des troupes de théâtre, etc. Donc, on les a contactés et finalement, on a fait des pièces très chouette sur le sida et les gens venaient en masse. Alors c'est bizarre à dire comme ça, des pièces très chouettes sur le sida, mais oui. C'est-à-dire que les mises en situation sont en plus très drôles pour attirer l'attention et ensuite faire passer le message. Voilà. Ils prennent ça par l'angle de la comédie, vraiment. Oui, c'est ça. Et puis l'important, c'est que les gens viennent d'abord. Donc si on fait une grosse conférence sérieuse, personne ne va venir. Donc là, les gens adoraient le théâtre. Sauf donc si vous mettez des sandwichs, peut-être. Et alors la deuxième voie en fait par laquelle les messages passaient très bien, c'était la voie de l'église, hein, puisque là l'église est très très importante. Ça c'est quand même étonnant. Alors c'était assez amusant aussi pour un projet ULB évidemment, oui, de passer par l'église, mais bon voilà, il faut s'adapter. Et puis s'adapter. Vu le propos aussi, on parle toujours de prévention sida, oui, préservatif et tout ça. Tout à fait, mais là on a quand même été assez étonnés finalement de la grande ouverture d'esprit, en tout cas des curés de base je dirais. Si on monte un peu dans la hiérarchie, peut-être pas, mais les curés de base étaient vraiment très ouverts à tous ces messages-là et on n'a jamais eu tellement de problèmes. Et donc vous voilà parti en tournée parfois alors de théâtre? Oui, tout à fait, oui, c'est ça, on allait en tournée, il y a même, je m'appelle, dans mon chalet suisse, comme vous dites, donc j'ai organisé moi-même des représentations là, donc on profitait de toutes les occasions, effectivement, pour supporter ces troupes de théâtre pour la prévention. Il y a un autre objet qui nous interpelle et que vous avez posé sur la table de Globe Rocker, c'est pour annoncer la suite. Tout à l'heure, on va parler nourriture, puisque vous parlez de nutrition, certes dans un sens, mais on va aussi parler de la nourriture que vous aviez à manger à l'époque. Il y a une espèce de pot en terre cuite avec une cordelette. Qu'est-ce que c'est ? Oui, en fait, c'est un pot en bois. C'est vrai que ça peut avoir l'air parce que il est très lisse, mais donc ce sont des pots en bois sculpté, donc d'une forme un petit peu ronde ovale, et en fait ce sont des pots qui servaient à récolter le lait. Donc ils mettaient vraiment le lait là, et alors les pots étaient posés sur un socle, un cercle en cuivre. Oui, parce qu'il n'y a pas de pied, c'est pas plat, quoi, c'est arrondi. C'est pas plat, tout à fait. Oui. Ça pouvait servir à d'autres choses que oui, contenir du lait. On y reviendra dans la suite de Globe Crocker, parce qu'on va consacrer quand même tout un chapitre à la nourriture et à ce qu'on peut savourer dans ce petit bout du monde, juste après Oiseau Malin, Souchon, Volzy. Thank you. sorciers dans leur mystère, qui jouent sur les écrans plasma là, l'argent que tant de gens espèrent. Masters and servants de leur bureau protégé n'entendent pas l'oiseau qui chante, n'entendent pas l'oiseau chanter. S'entend comme un danger. Oh, prenez garde à ceux qui n'ont rien, qu'on a laissé au bord du chemin. Rêveurs rêvant le monde meilleur, ils voient la colère monter dans leur cœur. Oh, prenez garde à ceux qui n'ont rien, chante, chante un petit oiseau malin qui monte au ciel. Oiseau malin, Souchon-Voulzy, c'est évidemment le duo inséparable de 2015 et d'avant. Ça se passe sur lapremière.be. Découvrez Par-delà les ondes, l'espace web dédié à la création sonore de La Première. Aventurez-vous dans un monde de sons, sans autre boussole que le plaisir de rêver par les oreilles. Vous y trouverez des trésors acoustiques, des documentaires, des fictions, des séries, de grands entretiens et des reportages. Pour enregistrer du vent, rendez-vous sur rtbf.be/par-delà-les-ondes, montez le son, fermez les yeux et ouvrez grand vos oreilles. Vous allez être conquis. Ça se passe sur La Première. À l'heure où toutes les radios diffusent de la musique, La Première vous offre ses meilleurs moments de la journée écoulée. Info, culture, invités, histoire, débat, humour. Rendez-vous juste après minuit pour des heures nocturnes de contenu riche et varié. Et toutes les heures, un point sur l'actualité de la nuit. Même au plus profond de la nuit. Sur La Première, soyez curieux. La Première, avec Benjamin Leupart, Globe Crocker. Inséparable, on l'est aussi avec vous ce matin. Philippe Donnen, merci de venir partager avec nous votre expérience congolaise. Plusieurs semaines d'abord et ensuite plusieurs années, 7 ans en tout, un peu plus de 7 ans passés au Congo, mais aussi ailleurs en Afrique. Mais là, on est sur votre expérience au Congo. Vous êtes médecin et vous êtes aussi chercheur. Et on voulait aborder avec vous, puisque vous êtes spécialiste de la nutrition et de la nourriture, aborder ce côté un peu, justement, cuisine et éventuellement aussi conditions de vie des gens de là-bas. Et pour l'évoquer, vous nous avez sorti votre pot à lait qui est en bois, qui ressemble un peu à une ampoule à l'envers et qui n'a pas contenu que du lait. Oui, c'est ça quoi. Donc le monde évolue, hein, même là-bas, et donc finalement les producteurs de lait, c'est-à-dire notamment les vaches, chèvres, se sont fait quand même plus rares, puisque bon, c'est des animaux qui nécessitent des grands espaces et il y avait de plus en plus de gens. Et donc finalement, ces pots ont souvent été reconvertis pour consommer la bière de banane, puisque ça, c'est un alcool qui est très prisé là-bas. Donc c'est la bière de banane. La bière de banane, délicieuse d'ailleurs quand elle est fraîche. Mais après, elle fermente rapidement et ça devient un armagnac de banane. Mais donc ça, les gens consommaient vraiment beaucoup et très régulièrement. Absolument introuvable en Belgique. J'ai jamais vu encore. Peut-être non. À Matongué, il faudrait essayer. Oui, oui, à Bruxelles, le quartier africain, pourquoi pas. Nous sommes dans ce chapitre cuisine. Vous mangez quoi? Vous cuisinez, vous? Ben, j'adore cuisiner, mais disons, là-bas, c'était quand même compliqué. Quoi, parce donc, que, qu'est-ce qu'on veut cuisiner, alors? Oui. Alors déjà, il faut dire de nouveau que dans mon chalet suisse, j'avais aussi un cuisinier, donc malgré moi, hein, je ah vous oui, dis. Mais que faisait-il? Alors, ne vous excusez pas, hein, c'est la règle là-bas. Donc, oui, voilà. Oui, oui, oui. Enfin, c'était la règle. Mais je veux dire, bon, c'est pas un endroit au Kivu où finalement on a une nourriture extrêmement variée. Donc la population. Il y a quand même une luxuriance. Oui, oui, il y a une luxuriance, mais c'est en tout cas la population là-bas finalement n'avait pas accès à énormément d'aliments. Donc la nourriture de base, c'était les haricots, donc les gros haricots bruns. Et le manioc, ça c'était vraiment la base de l'alimentation. Le manioc, comme ils appelaient la boule, quoi. Donc ils font une farine de manioc, et alors sur l'assiette, ça forme une espèce de boule. Et donc ça, il y a une expression qui disait « si j'ai pas mangé ma boule, j'ai pas mangé ». Donc ça c'est vraiment la base de la nourriture, avec des haricots, et alors du... Ça va être bien lourd ça. Avec des feuilles de manioc aussi. Hein. Les feuilles de manioc, ça c'est assez délicieux, qui forment alors une espèce de sauce. Voilà, ça c'est vraiment la base, et souvent très peu de produits animaux, parce que c'est très cher, donc... De temps en temps, un vague poulet bicyclette, mais... Un poulet bicyclette. Oui. On voit tout de suite l'image. Poulet, c'est par rapport au moyen de le transporter, c'est ça, au marché? Pas tellement, c'est par rapport... En fait, ça ressemble finalement à... C'est tellement maigre que ça ressemble à une espèce de... J'imaginais des grappes de poulet attachées à un guidon de vélo, pas aussi, du tout. Aussi, mais c'est vraiment... Non, c'est en fait un poulet qui a beaucoup... qui a beaucoup oui, c'est un poulet qui a tellement couru que finalement, il ne reste pas grand-chose. Donc, il l'appelle le poulet bicyclette. Et ça, finalement, on mangeait assez souvent sur du charbon de bois, là, on faisait de la cuisine comme un petit barbecue, ce qu'ils appellent le makala, qui est le charbon de bois. Le charbon, oui. Et donc ça, j'ai des souvenirs vraiment merveilleux pour dire qu'en fait, on est heureux avec pas grand-chose. Moi, mes meilleurs souvenirs, c'est d'être autour d'un makala, comme ça, avec mes copains, en train de manger ce poulet bicyclette. Quoi. Mais qu'est-ce que ça fume, le makala? Oui, mais bon, c'était à ciel ouvert. Ah, donc on faisait pas ça dans la maison. Oui. Alors ça va. Il y a quand même une excellente histoire, une très belle histoire qui vous concerne. C'est que vous avez quand même, vous êtes marié. Vous êtes marié à une Congolaise et que vous n'avez pas du tout rencontré au Congo, mais que vous avez peut-être croisé à Bukavu. Oui, tout à fait. Donc, en fait, j'avais une très bonne amie là-bas, mais malheureusement, ça n'a pas continué. Et donc, en revenant ici en Belgique après, j'ai effectivement rencontré ma femme au cours d'un mariage. Donc, le lien avec Bukavu est très fort. Au cours d'un mariage, en fait, d'une amie de Bukavu, qui se mariait avec un Belge à Bruxelles. Donc, quand même là, vous avez passé 7 ans là-bas, et c'est en Belgique que vous rencontrez une Congolaise. Voilà, exactement. Et en plus, ma femme, elle-même, avait vécu à Bukavu aussi, puisque son père a été consul de Belgique à un moment à Bukavu. Et donc, finalement, on a été au même endroit, mais pas vraiment à la même époque. Oui, c'est incroyable, cette histoire de voyage. Quand on repense à l'envie de ce petit étudiant en médecine qui termine, bon, après une spécialisation et des choses comme ça, qui a juste envie de partir faire de la coopération, qui passe 7 ans de sa vie là-bas, est-ce qu'on peut dire que ce voyage a changé votre vie? Ça, vraiment, tout à fait. D'ailleurs, je vous le disais aussi, il ne se passe pas une semaine sans que je rêve encore de Louiro. Donc, ça m'a vraiment profondément marqué. Louiro, c'est donc ce petit village où se trouvent vos chalets suisses. Pas le petit village gaulois, mais le petit village suisse. Quoi, oui. Du Congo. Et donc, à la fois, bon, ça a conditionné au niveau du travail, quoi, hein, puisque finalement, j'ai rejoint l'université par ce biais-là. Jamais j'avais imaginé que je serais prof du NIF. Donc, alors finalement, à la fois avec mon mariage, finalement, c'est pas un hasard si j'ai épousé, je pense, une Congolaise. Et vous vivez aujourd'hui en Belgique, vous donnez cours à l'ULB, mais ce voyage a aussi changé votre vie ici. Par exemple, vous êtes devenu fan d'ornithologie, par exemple. Exactement, oui, c'est là-bas vraiment que j'ai pris goût à l'ornitho, parce que, bon, d'abord parce qu'il y a beaucoup d'amateurs d'ornitho là-bas qui nous rendent des visites, etc. Et alors des gens, mais vraiment pointus, c'est-à-dire des gens qui ne venaient que pour voir un oiseau qu'ils ne connaissaient pas. Tout le reste, ils s'en foutaient, un oiseau, ils voulaient. Donc ça m'a donné la passion, effectivement, de l'ornitho. Alors les oiseaux sont quand même très colorés, donc c'est relativement facile au début de s'y intéresser. Après, quand je suis revenu en Belgique et que je devais distinguer la fauvette grisette de la fauvette noire, c'était beaucoup plus difficile. Ils sont tous marrons et gris, par oui, voilà. Oui. Mais donc... Il n'y a pas le bleu et le jaune, non, c'est le marron ou le marron gris. Voilà, mais donc je me suis mis dans des clubs d'ornitho et effectivement, je gère aussi une réserve naturelle avec des amis. Donc, ce goût de la nature m'est resté tout à fait. Quoi. Vous allez y retourner ou pas? Ah, mais j'y retourne encore régulièrement. Ah, c'est-à-dire que ça, j'ai continué bien à suivre des projets, mais alors à distance, en passant 1 ou 2 semaines sur place régulièrement. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Denen, pour ce voyage en forme de tranche de vie, quelque part au Congo, plus exactement dans le sud Kivu, l'endroit du monde qui vous a permis de marier deux de vos passions, la médecine et la nature. Vous pouvez porter fièrement votre sobriquet de monsieur coopération à l'université. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Dès demain, on croque un autre bout du monde qui aura autant de saveurs, on l'espère, que celui-ci. On chausse des palmes, des masques et des tubas, destination une île de toute beauté où les chemins qui passent de la mer à la mer en passant par la montagne s'appellent les Tra Mare e Monti. Alors, on le dit, tout de suite après la météo, vous retrouverez le Forum de Midi avec Fabrice Lambert. À demain, que vous soyez ici ou ailleurs. La première, Globe Crocker, avec Benjamin Leupart. Laissez-vous dévoiler la période la plus riche de l'incroyable histoire de l'enregistrement. Découvrez des documents rares, insolites, écoutez des témoignages inédits et non réédités. L'émission Riante, où le temps n'existe pas, c'est La Troisième Oreille, orchestrée par Marc Danval. Le samedi de 14h à 15h sur La Première et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. La météo,